de celui de Malreich, ennemi ténébreux et incompréhensible, dont il devait parer les attaques sans savoir d'où elles venaient, ni même si elles se produisaient. Qu'il fût en prison, surveillé jour et nuit, la belle affaire. Lupin ne savait-il pas par lui-même qu'il est des êtres pour qui la prison n'existe point, et qui se libèrent de leur chaîne à la minute fatidique? Et Louis de Malreich était de ceux-là. Oui, il y avait quelqu'un en prison à la santé, dans la cellule des condamnés à mort, mais ce pouvait être un complice, ou telle victime de Malreich, tandis que lui, Malreich, rôdait autour du château de Bruggen, se glissait à la faveur de l'ombre comme un fantôme invisible, pénétrait dans le chalet du parc, et la nuit levait son poignard sur Lupin endormi et paralysé. Et c'était Louis de Malreich qui terrorisait Dolorès, qui l'affolait de ses menaces, qui la tenait par quelque secret redoutable, et la contraignait au silence et à la soumission. Et Lupin imaginait le plan de l'ennemi, jeter Dolorès, effarée et tremblante, entre les bras de Pierre le Duc, le supprimer, lui, Lupin, et régner à sa place, là-bas, avec le pouvoir du grand-duc et les millions de Dolorès. Hypothèse probable, hypothèse certaine, qui s'adaptait aux événements et donnait une solution à tous les problèmes. À tous ? Objectait Lupin. Oui. Mais alors, pourquoi ne m'a-t-il pas tué cette nuit dans le chalet ? Il n'avait qu'à vouloir et il n'a pas voulu. Un geste et j'étais mort. Ce geste, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Dolorès ouvrit les yeux, l'aperçut et sourit d'un pâle sourire. « Laissez-moi, » dit-elle. Il se leva, avec une hésitation. Irait-il voir si l'ennemi était derrière ce rideau ou caché derrière les robes de ce placard ? Elle répéta doucement, « Allez, je vais dormir. » Il s'en alla. Mais dehors, il s'arrêta sous les arbres qui faisaient un massif d'ombre devant la façade du château. Il vit de la lumière dans le boudoir de Dolorès. Puis cette lumière passa dans la chambre. Au bout de quelques minutes, ce fut l'obscurité. Il attendit. Si l'ennemi était là, peut-être sortirait-il du château. Une heure s'écoula, deux heures, aucun bruit. « Rien à faire, » pensa Lupin. « Ou bien il se terre en quelque coin du château, ou bien il en est sorti par une porte que je ne puis voir d'ici. À moins que tout cela ne soit de ma part la plus absurde des hypothèses. » Il alluma une cigarette et s'en retourna vers le chalet. Comme il s'en approchait, il aperçut, d'assez loin encore, une ombre qui paraissait s'en éloigner. Il ne bougea point, de peur de donner l'alarme. L'ombre traversa une allée. À la clarté de la lumière, il lui sembla reconnaître la silhouette noire de Malreich. Il s'élança. L'ombre s'enfuit et disparut. « Allons, » se dit-il, « ce sera pour demain. » Et cette fois...